Monsieur ? Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à Bruno Lemoine. Bruno Lemoine ? Il n'y a pas de Bruno Lemoine ici. Vous vous trompez. Ah bon ? Excusez-moi. Je cherche un Bruno, la quarantaine, mince. Il est brun et frisé. Il ne travaille pas ici ? Si. Si, mais il ne s'appelle pas Bruno Lemoine. C'est Bruno Le Grand. Oh, pardon. Je pourrais le voir, s'il vous plaît ? Oui, une minute. Vous êtes monsieur ? Armand Garou. Armand comment ? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Garou, je vous appelle. G-A-R-O-U. Allô, monsieur Le Grand ? On vous demande au guichet. Monsieur Garou. D'accord. Asseyez-vous, il arrive.